Benvinguts i benvingudes una vegada més amb aquest el vostre espai. Hola la música, el programa de música en francès. Avui és un programa que ens portarà música, però hem triat amb una de les nostres oients. De fet, ens ho va proposar. És la Beth Gardot. Moltes gràcies. Quines són les millors cançons, per ella, de la història de la música francesa? D'amor, les millors cançons d'amor. I aquesta, que escoltareu avui al llarg del nostre programa, és la seva proposta. En cançons de Lara Fabian, de Jairo, de Petula Clark, de Mireille Mathieu, Marie Laforet, de Vicky Landros, de Salvatore Adamo, de Biaf, Jean-François, de Joe Dassin i de Charles Aznavour, entre molts altres. Doncs bé, doncs aquesta és la proposta de la Beth Gardot per avui al programa de Hola la Música. Espero que us agradi. Trop fort ce soir au fond de moi. Mon cœur, tu penses encore à elle, mais pourquoi? Mon cœur, elle ne veut plus de nous, elle est partie, elle nous oublie. On n'a plus rien dans sa vie, alors Mon cœur, à quoi bon rallumer de souvenirs? Mon cœur, nous ne la reverrons jamais sourire. Mais le bonheur, sans un jour qui sait peut refleurir, il t'a menti. Reparle-moi d'avenir. Viens, j'ai besoin que tu m'inventes le soleil après la nuit et des lendemains qui chantent. Oh mon cœur, fais ça pour moi, je t'en prie, viens. Mon cœur, au lieu de te plaindre, allez, viens à mon secours. Avec elle, j'ai vu s'éteindre un été en un seul jour. Et pour toujours. Mon cœur, pour elle, notre amour n'était qu'un jeu. Mon cœur, je sais qu'elle t'a rendu très malheureux. Tu pleures, pourtant c'est moi qui ai des larmes aux yeux. Mais si tu veux, nous l'oublierons tous les deux. Allez, mon cœur, à quoi bon rallumer des souvenirs? Mon cœur, nous ne la reverrons jamais sourire. Mais le bonheur avec une autre un jour peut revenir. Qui t'a menti? Reparle-moi d'avenir. Toi mon cœur, fais quelque chose. Je ne tremble pas de froid. Au soleil s'ouvre une rose, mais il neige au fond de moi. Mieux que partout ailleurs, au jardin de mon cœur, une petite fleur. Cette fleur, plus jolie qu'un bouquet, elle garde en secret tous mes rêves d'enfant, l'amour de mes parents et tous ces clairs matins faits d'heureux souvenirs lointains. Quand la vie par moments me tu restes mon bonheur, petite fleur. Sur mes 20 ans, je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que j'ai tant. Tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour, petite fleur. Et je t'aime. J'entends

parles-tu? Camille, regarde-moi, j'ai partout une belle vue, criant à haute voix. Camille, Camille, Camille, Camille, reviens à moi. Camille, et notre enfant t'attend tout en pleurant dans notre petite maison. T'attends en t'appelant, maman, maman, maman, tu parles sans raison. Rappelle-toi le jour de notre mariage, sous le ciel d'été, de notre beau village, et nos amis de rien souhaitent bon voyage, et nous allions tous deux, tout le long du rivage. Mon fils, ne pleure pas, maman viendra un jour, elle viendra à grand pas pour te voir mon amour, mais elle est loin, très loin, très loin, ta douce maman. Mon fils, ne pleure pas, maman viendra un jour, elle viendra grand pas pour te voir mon amour, mais elle est loin, très loin, très loin, ta douce maman. Vivre qu'en souvenir de toi.

Notre-Dame, parfois pour un drame, oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant. Le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. Hola la Music, amb Rafael Corbí. Tots els temes que hem anat escoltant avui són la selecció de les millors cançons d'amor en francès de càrrec de la nostra oient, la Bet Gardot, que ha tingut a bé, com espero que ho facin d'altres oients també, de proposar-nos música, ja que ho fan pel Facebook, ja que ho fan amb la nostra pàgina, ja que ho fan per correu electrònic, ja que ho fan per WhatsApp i ens ho fan passar. Per tant, envieu-nos-ho i dieu-nos-ho. El nostre telèfon sempre està al vostre costat. Ens podeu contactar al 633-10-16-53. Repeteixo, 633-10-16-53 per demanar-nos les peces que han de sonar aquí a Hola la Música o artistes. Aquestes cançons de Salvatore Adamo, de Lara Fabian, de Di Piaf o les de Jean-François, d'Anna Wiener, Jean-François també en dues peces, Nicole Grésil, o de nou l'Edith Piaf, que retornarà en els propers minuts. Hola la música, Rafael Cordó. Si l'amour existe encore, il ressemble a ton corps. Si l'amour existe encore, encore plus fort. Si l'amour existe encore près de toi quand je m'endors, si l'amour existe encore, serre-moi encore plus fort. Me dire les mots d'amour, les mots du cœur. Quelque chose comme je t'aime. Ce soir, la vie me semble belle. L'amour attire d'elle. C'est posé sur toi et moi. Si l'amour existe encore, il ressemble à tes 20 ans, au soleil qui tendrement m'endors. Si l'amour existe encore, serre-moi encore plus fort. Coupable d'être aimé, coupable Avoir longtemps, longtemps fait l'amour, que tu ne le fais plus sans y penser, pour être à jamais le seul souvenir dont nul ne pourra plus jamais te guérir. Oui, je suis coupable de t'avoir oublié. Une ombre entre toi et lui. Coupable, coupable, coupable à vie. Esteu escoltant Ulala Music. L'amour.